Leila, candela meia, na plia carton ben doudou. Les oiseaux dans le ciel qu'en voler, moins t'es que les cas, coûtez-moi. Tout ça, nous pas connaître. Ça qui arrive, moi, je...